le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. Après la région de Sherbrooke, l'action du jeu 33 clés s'est rapidement déplacée du côté de Trois-Rivières, en Mauricie, où plusieurs clés ont été lancées aujourd'hui. Pour découvrir l'endroit précis où elles se trouvent et ainsi courir la chance de gagner une Mazda 3 2010, je vous invite à vous rendre sur le site reperio.ca. Mais vous devez faire vite. Les Unifo, des agents d'une police secrète venue du futur, font tout leur possible pour mettre la main sur les clés avant les joueurs. Dans les dernières heures, ils ont resserré leur étau sur Patrick Martin et Xira, deux personnages qui tentent d'aider les joueurs dans leurs recherches. Patrick et Xira communiquent régulièrement avec les membres de la Révolution, comme ils les appellent, via des blogs, Twitter et Facebook. Il est bon de savoir que le duo donne souvent des indices dans les vidéos qu'ils mettent en ligne. Il suffit d'être attentif et de bien regarder le décor en arrière-plan. Souvent, les clés sont cachées tout près de ces endroits. Selon mes informations, entre 17h et 21h aujourd'hui, le berger va se manifester à Trois-Rivières. Il est facile à reconnaître. C'est un homme, le crâne rasé, avec une barbe et vêtu d'une tunique blanche. Le berger est là pour vous guider vers les clés. Si vous partez à la recherche d'une des clés, ce serait une bonne idée de former une équipe. C'est le secret dans ce genre de jeu. L'union fait la force, dit-on. Bonne chance et rendez-vous demain, même heure, pour plus d'informations.